Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Si vous êtes en vacances, profitez-en et profitez-en notamment pour revoir ces excellentes sorties DVD de la saison. Judith a la cinquantaine séduisante. Femme équilibrée, elle dirige une émission de téléachat. Divorcée, elle vit seule avec pour confidente sa sœur Irène qui est la seule à connaître son secret. Judith s'offre régulièrement les services sexuels de jeunes gens qu'elle choisit sur les sites d'escorte sur Internet. Je vous plais ? Si je vous réponds oui, ça nous conduit où ? Ça a commencé 4 ans après mon divorce. Je surfais sur le net et je suis tombée sur un site d'escorte. Parfois je me dis que je devrais faire comme toi. Rien ne t'empêche d'essayer ? Oh, l'idée même, ça me fout le bourdon. Bonjour monsieur, au revoir madame. Merci de m'avoir amené, c'est combien ? Vous m'en mettrez une louche, non ? Je paye que pour le plaisir. J'ai suffisamment payé pour le reste. Je me dis tout le temps que j'ai vraiment de la chance d'être avec Marco. Et qu'on s'aime aussi fort depuis le début. Et même plus qu'au début. J'ai envie de jouer avec vous. Qu'est-ce qu'il a de spécial celui-là ? Il est drôle, il est mignon, il a un beau petit cul. Et je m'amuse avec lui à un tarif très raisonnable. Ça te va comme explication ? Allô ? Ah non, vous faites erreur, il n'y a pas de Patrick ici, madame. Maintenant encore ça va, mais dans 10 ans, comment ce sera tout à fait éliminé ? Plus cher. Ce sera plus cher, c'est tout. Cliente, un film de et avec Josiane Balasco et Nathalie Baye, Isabelle Carré, Marie Loubiri, un DVD Gaumont Columbia Tristar.